Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Fréquence Paris Pluriel, vous êtes dans la jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL, donc tous les troisièmes lundis de 19h à 20h30 et l'émission est reprogrammée le jeudi matin. Donc on est ensemble une heure et demie avec Sylvain et André aujourd'hui et Magali à la technique comme d'hab. Donc aujourd'hui on va surtout parler en profitant de la journée qui est organisée dimanche prochain, c'est-à-dire le 24 juin 2012. On va profiter de parler de cette journée, de vous inviter à venir justement donc au CICP de 14h à 19h, puis pour un concert à partir de 20h30. Donc on va en fait parler, vous présenter ce programme en détail, en parlant un petit peu des films, des coopératives que vous allez pouvoir rencontrer, du concert le soir, puisque c'est un concert en soutien à Léonard Pelletier. Donc on en parlera avec Sylvain précisément. Et on fera un hommage également, enfin c'est notre façon à nous de faire un hommage à Juan Chavez qui est décédé il y a 2 semaines maintenant. Ouais. Et donc voilà, on parlera du coup également d'un film que l'on a déprogrammé justement, puisqu'on a décidé de passer un film sur... en hommage à Juan Chavez, sur Nourio, sa communauté dans l'état du... le peuple Pepecha dans l'état Nourio, dans l'état de Michoacán. Donc on profitera également donc, de parler d'un film qui ne sera pas projeté, qui est La Palabra del Agua, mais par contre, il y a possibilité de se le procurer justement samedi. Donc on va faire une petite pause musicale, et donc pour ceux qui ne nous écoutent pas jusqu'au bout, on vous attend donc au CICP de 14h à plus tard pour une journée en solidarité avec les communautés apatistes et avec Léonard Pelletier, précisément pour le soir le concert. À tout de suite. Musique. La lucha sigue a este ritmo rocksteady beat. Hey. Bye bye vaya, bye bye vaya, bye bye vaya, bye bye vaya. Y ahorita aquí me encuentro, y ahorita aquí me encuentro. La lucha sigue y sigue. La lucha sigue y sigue. La gente bien sobre. 106.3, Fréquence Paris Pluriel, la jungle de lutte, programme du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On est ensemble avec André et Sylvain pour vous présenter donc la journée qu'on organise le dimanche 24 au CICP, 21 Terre rue Voltaire dans le 11e. Et donc cette journée au départ, elle a été, c'était la journée annuelle lors de laquelle on distribuait le café, puisqu'à plusieurs reprises on vous a parlé du café Zapatis qui est importé par l'association Échange Solidaire, une association qui a été créée tout spécifiquement justement pour importer le café. Et donc comme on n'est pas une boutique et on n'est pas des commerçants, on distribue le café une fois à l'an et il y a une possibilité tous les mercredis de venir se le procurer à une permanence qu'on tient le mercredi de 16h à 20h à cette même adresse, 21 Terre rue Voltaire dans le 11e. Et donc voilà, c'était l'occasion de justement pouvoir rencontrer les gens et de présenter également la coopérative, enfin les coopératives avec lesquelles on travaille. Et peut-être que Sylvain, tu peux justement un peu nous parler de tout ce projet qui a été le café, les coopératives, et enfin on peut en parler ensemble de toute façon. Ben alors on peut déjà souligner le fait que cette année c'est les 10 ans d'Échange Solidaire, donc ça fait 10 ans qu'on fait des journées en solidarité avec les coopératives zapatistes, notamment autour de l'arrivée effectivement du café qui est fruit d'achats solidaires directement aux coopératives zapatistes. Alors pour revenir dans l'histoire de comment s'est montée ces liens, cette solidarité, donc les zapatistes au Chiapas après l'insurrection, on avait ouvert avec le gouvernement mexicain des espèces de négociations qui ont abouti, donc une des premières négociations qui aboutit sur les accords de San Andrés qui reconnaissait les droits des populations autochtones amérindiennes sur leurs terres, pas seulement au Chiapas mais sur tout le Mexique. Et bien sûr, ces accords de San Andrés n'ont jamais été respectés par le gouvernement. Donc, en parallèle, les organisations amérindiennes de tout le Mexique se sont fédérées au sein du Congrès national indigène, donc qui était un moyen de populariser la lutte des zapatistes, mais aussi de diffuser le concept de l'autonomie qui était affirmé dans les accords de San Andrés. Donc, comme je répète... Oui, juste spécifique, justement, ça, c'était des accords signés en 96, que le soulèvement avait lieu en 94 et que les accords sont en 96, donc ça a déjà quelques années. Quelques années. Mais pour comprendre les coopératives zapatistes, il faut remonter justement à cela, parce que c'est vraiment les bases de comment les coopératives se sont montées. Parce qu'en fait... donc le Congrès national indigène a continué donc son travail pour l'application de ces accords et ils sont arrivés à un point où il y avait une impossibilité à cause du non-respect de ces accords de la part du gouvernement de faire en sorte que le développement et la reconnaissance des droits des plus pauvres et donc des populations marginalisées, les populations autochtones marginalisées au Mexique, ne soient vraiment reconnues. Et donc c'est comme si toute cette lutte qui avait commencé, tous ces efforts et tous ces espoirs qui avaient été lancés par l'insurrection zapatiste, en fait étaient bloqués par le double discours du gouvernement qui avait signé des accords, mais juste sur le papier, et juste pour montrer qu'ils étaient ouverts au niveau de leurs partenaires internationaux pour pouvoir continuer leur business et puis leur capitalisme et leur libre-échange au niveau mondial. Et les communautés restaient dans la même chose et même pire, puisque en parallèle, quand on parle de double discours, le gouvernement signait ses accords et ne les appliquait pas, mais en plus il finançait des escadrons de la mort qui agissaient donc beaucoup au Chiapas, mais aussi dans d'autres régions où il y avait des communautés autochtones. Alors les zapatistes, eux, à un moment, en coordination avec le Congrès national indigène, ont décidé de ne plus attendre et de dire On construit l'autonomie. On construit l'autonomie aujourd'hui et maintenant. Et donc, ils ont appelé à toutes les communautés indigènes au Mexique d'appliquer l'autonomie, de ne pas attendre le gouvernement, de ne plus attendre de rien du gouvernement, ni des partis politiques, etc. Et donc, les zapatistes, en fait, ont mis en place, ont dit, nous, on respectera les accords qu'on a signés et on ira de l'avant. À notre rythme. Niveau, à ouais. notre rythme, avec en respectant aussi les us et coutumes des différentes communautés. Et donc il y a eu des réflexions pour la mise en place de projets qui pourraient construire cette autonomie. Alors l'autonomie s'est construite, se construit encore au jour d'aujourd'hui dans les communautés zapatistes en résistance. Alors que ce soit des projets de clinique, on en a parlé sur ces ondes, enfin avec les projets dans le soutien dentaire, et effectivement donc des coopératives qui se sont montées, des coopératives de production. Et la première coopérative de production qui s'est montée, c'est la coopérative de Mudvitz. Coopérative de café. De café, donc dans Los Altos, en fait, à côté de d'Oventic. Donc la coopérative s'est montée avec différents coopérateurs de différentes communautés et ils ont lancé donc un appel donc à soutenir cette coopérative, donc à acheter le café. Donc à la fois ils ont travaillé en amont pour que le café soit de bonne qualité selon les normes. Ils ont fait certifier le café, ils ont formé des jeunes à la labellisation bio, etc. Enfin, ça a été un énorme travail qui a été fait en amont avant qu'ils lancent la coopérative en tant que telle et l'appel international. Et sachant que l'idée, c'est effectivement justement de sortir du réseau achat-vente classique du marché, donc de trouver justement des producteurs qui allaient acheter directement, ce qui leur permettait eux justement de rompre leur aliénation aux ce qu'on appelle les coyotes, c'est-à-dire les acheteurs. Les coyotes, c'est des grandes compagnies, principalement nord-américaines, qui achètent le café donc à bas prix. Et, qui débarquent dans les champs de production avec l'argent en liquide et qui prennent le café directement sur place. Et donc là, effectivement, du coup, c'était une nouvelle organisation aussi pour eux. Du coup, si tu veux te priver de travailler avec les coyotes pour justement progresser dans la question de sortir du système capitaliste, parce que du coup il y a aussi cette donnée qu'on n'a pas précisé, mais juste pour le préciser, justement la question les zapatistes sont pas seulement tournés sur la question des peuples autochtones, c'est pas la question qui a été soulevée dès 94 lors du soulèvement, c'était les Mexicains, c'est votre destin, à vous de faire tomber le parti qui était au pouvoir depuis 70 ans et de décider peut-être de l'avenir, sachant que le soulèvement a eu lieu le jour de l'entrée en vigueur des accords de libre-échange avec l'Amérique du Nord. Donc du coup, c'est aussi un contexte anticapitaliste qui motive l'organisation. Et c'est pour ça notamment que la coopérative a été le choix, puisque ça donnait à la fois une production collective. Là, ce n'était plus des familles qui vendaient à un coyote, etc. Là, c'était vraiment monter une structure ensemble, de partager à la fois le travail, partager l'expérience, mais aussi partager les revenus et qui est justement avoir une égalité sociale aussi en utilisant le système coopératif. Donc Mudvitz a lancé le premier appel international pour qu'on les aide à développer la coopérative. Et donc au sein du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, qui accompagne donc la lutte zapatiste depuis pratiquement le début, on a eu une réflexion. Et pour ne pas mélanger justement le travail politique qui est fait avec le comité et quelque chose qui est plus structurel, puisqu'il va falloir, il faut une association bien déposée pour pouvoir faire les papiers, mais juste pour dédonner le café, enfin faire des contrats, des choses comme ça. Donc certains au sein du comité ont créé Échange Solidaire, donc qui est une petite association complètement bénévole qui s'est lancé dans l'importation du café zapatiste. Alors le café, ça marche par biais de souscription. Alors ça veut dire que en fait il y a un appel chaque année à souscription, l'argent est récolté, avec cela on paye le café Bah, 60% au moment de la commande, ce qui est quand même aussi justement un bénéfice pour les producteurs qui ont besoin d'argent tout au long de l'année en fait pour la production. Donc nous on décide de donner 60% au moment de la commande. Ensuite, et les 40% au moment de la livraison des produits. Et on s'est mis justement aussi dans une autre démarche, en tout cas nous, au niveau des champs solidaires, c'était aussi, on n'était pas dans le concept de commerce équitable, parce qu'il y a le mot commerce, parce que le commerce, c'est pas ce qu'on veut construire, nous, avec les communautés, etc. Donc nous, c'est vraiment, on a voulu développer l'échange solidaire, donc c'est-à-dire que s'il y a des bénéfices, ces bénéfices sont reversés à des projets dans les différentes communautés. Et ça peut être des projets tout à fait... selon l'actualité... De toute façon, il y a une partie des projets... Enfin, l'argent en tant que tel, il est reversé aux différents caracoles puisque les apatistes sont divisés en 5 zones, ce qu'on appelle les caracoles. Donc c'est réparti équitablement entre tous les caracoles, même si justement toutes les zones zapatistes ne produisent pas du café. Et donc justement on parlait de Moudvitz, mais donc aujourd'hui il y a deux autres coopératives qui ont été montées, donc enfin plusieurs d'ailleurs, mais deux avec lesquelles on travaille. Oui, donc Moudvitz, juste pour revenir un petit peu là-dessus, donc c'est une coopérative, ça a marché, cet élan et cette solidarité a marché, donc pas seulement en France, mais également en Espagne, en Catalogne, en Italie, en Allemagne, en Suède. Donc il y a eu un réseau, aux États-Unis aussi, un réseau s'est monté et donc ça a marché. Ça a ramené beaucoup, enfin quand même pas mal de revenus. Et ça a montré aussi que ces coopératives pouvaient être un bénéfice pour la construction de l'autonomie. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a pu voir que le premier président de Moudvitz, quand la coopérative a été créée, il a été dans une autre zone, donc à Roberto Barrios, pour aider... à la construction d'une deuxième coopérative qui s'appelle Citlequil, voilà, avec lequel maintenant nous travaillons également. Vu l'importance que cela prenait, et puisque au Chiapas on est toujours dans une guerre de basse intensité et que le gouvernement mexicain continue à imposer contre les communautés zapatistes, on a pu voir, donc, quand il y a une école zapatiste, qu'à côté, tout de suite, le gouvernement fait une école bilingue avec le petit déjeuner gratuit pour pouvoir attirer les enfants hors de l'enseignement zapatiste. Et c'est pareil au niveau des coopératives. Par exemple, à Moudvitz, tout de suite, il y a eu une autre coopérative qui a été montée, mais par contre avec des fonds du gouvernement. Et bien sûr, avec tout le matériel que les zapatistes n'ont jamais eu. Par exemple, la machine pour trier les grains. Il y a plein de choses qui étaient données pour le gouvernement, justement pour briser Moudvitz. Et Moudvitz a été malheureusement brisé... en utilisant justement des histoires de comptes, d'impôts, etc. qui n'auraient pas été payés, alors que bon, apparemment, on ne saura pas vraiment l'histoire parce que en tout cas les camarades étaient sûrs d'avoir fait un peu toutes les démarches. Surtout que c'était quelque chose qui ça faisait plus de 10 ans qui fonctionnait, donc a priori il y avait déjà eu des contrôles, etc. Donc là ils se retrouvaient endettés avec une somme astronomique, donc la coopérative a été dissoute, et donc il y avait en parallèle une autre coopérative qui s'était montée qui s'appelle Yachil. Et là, au jour d'aujourd'hui, un grand nombre de producteurs de la coopérative Moudvitz ont intégré cette coopérative. Du coup, le Yachil a pris de l'ampleur. Et donc, c'est les deux coopératives avec lesquelles on travaille concrètement. Donc, Yachil et Citlequilum. Et donc, justement, précisément, donc vous pourrez trouver ce café-là le dimanche 14 pour ceux qui n'auraient pas souscrit, sachant que la souscription nous permet d'avoir les fonds pour pouvoir faire l'achat, mais sachant qu'on retire un bénéfice, on a une petite marge et donc ça nous permet de pouvoir vendre du café à ceux qui n'auraient pas souscrit. Et donc le paquet de café est aujourd'hui à 3,40 €. On l'a augmenté justement. D'abord, ça faisait un petit bout de temps qu'on ne l'avait pas augmenté et on avait de plus en plus de frais puisque tout augmente. Et on a surtout, justement, puisque tout augmente pour les producteurs aussi, augmenté de quasiment plus de la moitié le prix de l'achat du café. Donc, il y a eu un effort de fait vis-à-vis des producteurs. Et donc, du coup, on demande un petit effort, nous aussi, ici. Sachant que justement, cette coopérative, les coopératives, sont, si elles l'ont réclamé, c'est réellement qu'il y avait un besoin et que notre idée, nous, c'est justement pas de compter les sous, même si effectivement on aura moins de bénéfices. Mais l'objectif étant que ça reste un prix abordable encore pour les gens ici. Et Citlé Killoum, elle précisément, est une coopérative qui, en tous les cas, marque fortement son engagement pour une autonomie, puisqu'elle a elle-même, on en a déjà parlé ici, donc je le répète pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, il y a eu un processus de certification indépendante, si on peut dire, qui est en train de se mettre en place. Et donc, du coup, c'est toutes les coopératives font du café qu'on pourrait appeler bio. Toutes, plus ou moins, ont cherché à avoir le label, ce qui coûte énormément d'argent et ce qui n'est pas forcément un gain de je ne trouve plus le mot. Une garantie, voilà. Et donc, par contre, Citlé Kill essaye d'être dans un processus indépendant. Et donc, précisément, Citlé Kill, qui est vraiment aussi dans un travail d'échange avec nous, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on puisse vraiment être dans un échange politique et de lutte et non pas commerçant, on fait un petit documentaire qui sera donc projeté à 14h au 21 Terre Rue Voltaire, dimanche 24. Et donc, ce petit film réalisé par les promoteurs de vidéos zapatistes de la zone avec les membres de la coopérative du Café Citlé Kill, donc. Et c'est eux qui nous expliquent comment ils travaillent, leur vision. Et en fait, c'est, je trouve assez touchant qu'ils aient fait un film précisément pour nous, les gens qui consomment leur café. Donc, pour ceux qui achètent ou pas le café, qui ont envie de rencontrer des producteurs qui remercient les consommateurs. Voilà, il y a une petite dédicace à la fin à adresser. Donc, c'est assez intéressant justement de voir l'évolution justement de ce travail et cette rencontre avec les coopératives. Et pour nous aussi, la distribution de café, il y a un autre effet, en tout cas positif, c'est le fait que les gens achètent le café. Alors déjà, ils l'achètent solidairement et puis ils l'apprécient. Mais le point qui est encore plus positif, c'est que les gens nous demandent qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez les zapatistes. Et donc, c'est aussi un outil d'information, puisque les gens, en fait, ils prennent du café, mais ils n'achètent pas juste un paquet de café. Comme c'est marqué sur l'étiquette, c'est un café zapatiste et rebelle. Et les gens veulent s'informer de la situation des zapatistes aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'à une période, on a beaucoup parlé du soulèvement. Après, il y a eu avec la sixième déclaration de la forêt, la Candonne, de nouveau, un petit peu médiatiquement, on avait un peu reparlé d'eux, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas au quotidien dans les médias. Et il y a aussi des gens qui ne connaissent pas du tout les zapatistes, je veux dire, c'est pas qui. Et donc le café est aussi un vecteur pour amener la discussion et amener de l'information. Et donc justement, voilà, la journée de distribution du café est une journée lors de laquelle on espère que les gens justement pourront prendre le temps de voir les films, puisque en parallèle de la distribution du café, il y aura une table d'artisanat. Des tables d'artisanat, de livres, de cuir. Il y aura des projections en parallèle. Donc justement, à 14h, on commencera avec Citlé Killoum, qui s'appelle donc en fait Les fruits de la terre-mère, ce film fait par les coopératives zapatistes. On va peut-être faire une petite pause musicale et puis on revient sur le reste du programme dimanche avec le film Caminantes en hommage justement à Juan Chavez, puis du braquage au violon. à 16h. Donc là, en fond d'ailleurs, vous aussi, vous avez peut-être du violon. Donc ça tombe bien. C'est un film, un film documentaire qui a été tourné dans les prisons au Mexique. Et on repassera ensuite également le petit film sur Sitlik Illoum en fin de journée pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vers 17h45. Et à 18h30, il y aura le film Comme un guerrier sur Léonard Peltier précisément, puisque le soir, il y aura un concert en soutien à lui-même. Une petite pause musicale et on revient. We'll be right back. 106.3 FPP, la jungle des luttes, programme mensuel du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc on vous invite toujours dimanche 24 de 14h au soir au 21 Terre rue Voltaire, donc dans le 11e, métro rue des Boulets, c'est le plus proche. Donc il y aura, comme on le disait, distribution de café pour ceux qui l'ont acheté ou déjà ou ceux qui veulent en acheter. Il y aura donc des tables avec de l'artisanat, des projections de films. Donc on projettera à 15h le film Caminantes, qui est un film, tout à l'heure on l'a évoqué, donc on a parlé de Nourio et de Juan Chavez, qui est un personnage important dans la lutte justement du CNI. Sylvain en parlait, donc le CNI, Congrès National Indigène, qui a été formé en 95 suite aux soulèvements zapatistes, et donc justement en opposition avec l'Institut National Indigène, qui était l'institut créé, enfin l'institut institutionnel, hein, comme ça le dit, et donc un peu pour justement contrer tous les programmes faits soi-disant pour le développement des communautés indigènes. Et donc là justement, il y a dans tout le processus zapatiste, donc on l'a dit, 96 les accords, et précisément en 2001 la couleur des marches, des couleurs de la terre, qui est une marche organisée par les zapatistes et qui va parcourir avec toutes les autres organisations de la société civile, des personnes venues du monde entier et le CNI, qui s'était joint à cette marche, l'objectif étant à la fin de cette marche de présenter précisément donc une loi pour l'application des accords de San Andrés. Donc cette marche a eu lieu en 2011 et le film Caminantes est justement fait focus sur cette marche qui arrive à Nourio, donc le village, enfin le village et même une grande communauté, c'est quand même assez grand par rapport à d'autres petits villages qu'on pourrait trouver. Et donc c'est quand la marche arrive dans cette région et que justement Juan Chavez, qui est l'un des coordinateurs et délégués du CNI, se prépare à donc accueillir cette marche. Et donc ce film retrace un peu cette épopée et a fait des petits portraits justement, dont celui de Juan Chavez. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de pouvoir traduire ce film puisque le temps était assez court. Il ne sera disponible qu'en espagnol, mais c'est tout à fait compréhensible. Il y a plein d'images, il y a plein de choses qui parlent d'elles-mêmes et il y a la possibilité de toute façon de le présenter à l'avance pour que les gens sache évidemment ce qu'ils vont voir. Donc je pense que c'est un beau film et c'était en tous les cas pour nous important de rendre hommage à Juan Chavez et donc de le remercier aussi pour tout ce qu'il a pu donner puisqu'il s'est déjà déplacé. Il y a peut-être des gens qui l'ont déjà rencontré. Il s'est déplacé à plusieurs reprises à Paris, en France et en Europe. Et il y a André, qui a tout particulièrement, enfin qui est le dernier à l'avoir vu nous, puisque t'es parti. Pas moi, c'est peut-être pas moi qui le connais le mieux, mais je me suis trouvé à le voir en mars dernier, lorsque j'étais au Mexique. Je crois que chacun de vous, enfin Virginie, Sylvain, vous l'avez rencontré, vous l'avez connu ici en France et peut-être même aussi au Mexique. Oui, oui, oui. Est-ce que tu étais allée à Nourio, Virginie? Oui, j'étais à Nourio en 2001. Voilà. Et donc, pour moi, ça a été une rencontre, je dirais pas fortuite, mais c'était pas forcément dans mon programme, c'était pas prévu. Je me trouvais à devoir aller dans l'état de Michoacán, donc à, disons, 4 heures de route de Nourio. Dans un bled qui s'appelle Ciudad Hidalgo. C'est de l'autre côté de Morelia, la capitale. Et alors, bon, allant au Michoacán, je me suis dit, quand même, ce serait chouette de pouvoir aller saluer Don Juan Chavez. Parce que le seul contact que j'avais eu avec lui, c'était lorsqu'il était venu à Paris en 2008, n'est-ce pas ? 2008, oui. Et on avait été tous touchés par sa parole et aussi par sa personne. Sa force, oui. C'est une personnalité quand même pas banale. Donc vraiment, j'avais ce désir, allant là-bas, à Michoacán, d'aller pouvoir le saluer. J'avais un contact téléphonique et j'avais aussi l'intention d'aller à Cheran, qui est une communauté voisine, une localité voisine, où se déroule depuis plus d'un an maintenant une lutte des habitants pour la protection de leur forêt, en défense de leur forêt qui est saccagée par des mafias liées au narcotrafic. Donc j'avais aussi un contact à Cheran et je voulais donc aller à Nourio. Le contact téléphonique, et malheureusement, je n'arrivais pas à joindre Juan Chavez. J'ai essayé plusieurs fois, je n'arrivais pas à le joindre. Donc bon, je vais à Cheran pour voir les gens que je voulais voir là-bas. Et à tout hasard, quand même, une dernière fois, c'était lundi matin, je refais le numéro de téléphone de Juan Chavez qui me répond. Et donc là, bon, je me suis présenté et lui, ben, il s'est montré prêt à me recevoir. Donc je suis allé directement à Nourio le lundi matin et je ne connaissais pas, hein, pour moi c'était vraiment une découverte. De voir ce pueblo, ce grand village, comme tu disais, c'est une localité quand même relativement importante. Et bon, Don Juan, qui me reçoit, qui me fait entrer dans une pièce très modeste, et qui commence à parler. À un moment, il me dit, moi, c'est ma maladie, je parle beaucoup. Et c'était assez passionnant. D'abord, bon, il parlait de manière un peu générale, hein, de la situation globale, du monde. Et puis petit à petit, c'est devenu beaucoup plus personnel, vraiment même un peu intime, quoi. Ça a été vraiment une très très belle rencontre qui s'est prolongée. Sa petite fille est venue nous apporter des boissons à un moment. On a continué à causer. Bon, je lui ai évoqué un petit peu son passage à Paris. Il avait de bons souvenirs. Il se souvenait de vous et d'autres personnes, des endroits où il était allé aussi, en Bretagne, dans le sud. Et puis, bon, après, on a mangé. La petite fille est venue nous apporter après à manger. Et puis là, il m'a parlé un petit peu de son enfance, de son grand-père, qu'il l'avait envoyé étudier à l'internat de Paracho. Paracho, c'est une localité importante, connue pour la fabrication des guitares. Un détail, Don Juan, il est aussi musicien, et il aime beaucoup la guitare. Il était en extase devant les guitares. L'après-midi, il m'a emmené on est passé chez un de ses amis qui fabrique des guitares, qui était... Et bon, me parlant de son grand-père avec beaucoup d'affection et me disant, quand j'ai terminé à l'internat, j'aurais pu bon, faire carrière dans l'enseignement, mais j'ai pensé à mon grand-père et je me suis dit, il faut que je revienne. Sur mes terres. Et donc, pour travailler la terre de son grand-père. Et pour accompagner son grand-père. C'était vraiment. Et puis aujourd'hui, donc c'est sa petite fille que j'ai vue, qui est une petite fillette de 9 ans, 10 ans, qui va étudier dans l'internat de Paracho. Et donc l'après-midi, on a continué à bavarder. Et puis il m'a fait visiter un petit peu sa maison, enfin, hein, et les travaux qu'il avait entrepris au-dessus, où il faisait une extension de bois avec du bois qu'il avait récupéré. Et il était très très heureux d'avoir trouvé ce bois qui était du bois qui était des planches qui dataient peut-être de 200 ans, mais qui étaient comme neuves, qui étaient regardes. Il me disait, si c'est pas beau de voir un bois comme ça, qui est si fort, si solide, il est encore intact. Et bon, enfin voilà, c'était tout son... son univers. De même, quand il se mettait à parler de la terre et du maïs, c'était vraiment très, très touchant. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il avait... Enfin, moi, il m'a donné une fois une photo. Il avait une photo, il en avait même 3-4 exemplaires, c'était marrant, de lui et de toute sa famille assis, oui, avec au pied tous les épis de maïs, sachant que du coup, tu dois un petit peu travailler les épis de maïs, égrainer, etc. Et donc, tout le monde est en train de travailler le maïs, puisque c'est, les indigènes se disent les hommes de maïs. Enfin, c'est ça. Et lui, alors là, vraiment, vraiment, c'est tout à fait ça. Quand il parlait du maïs, il s'exprimait avec amour et respect, en disant, mais avec le maïs, on a tout. Bon, le maïs, c'est la vie. Et justement, les couleurs de la marche s'appellent les couleurs de la terre. Les couleurs de la terre en référence aux couleurs justement de ce qu'est pour eux le maïs, avec justement ces couleurs du maïs qui sont jaune, blanc, rouge, noir et vert. Enfin, maïs bleu. Et il ajoutait, bon, le maïs, il y a le maïs qui nourrit, mais il y a aussi le maïs qui soigne. Vraiment, avec le maïs, on a tout. Et je lui dis, oui, mais enfin, quelquefois, il y a des mauvaises récoltes. Il me dit, non. Non. Il me dit, parce que regarde la montagne. La montagne, c'est comme un rideau. C'est comme un rideau qui protège. Alors, si c'est pas bon d'un côté, de l'autre, c'est bon. C'était trop beau, quoi. Mais c'est ça, ce personnage, c'était justement une personne très simple, très humble. Très authentique, simple. C'est-à-dire, vraiment, tu arrives le matin, il dédie sa journée à toi, alors qu'il a sûrement, comme toute personne, un programme, des travaux, le chant. Moi, je m'attendais à ce que après, je m'attendais à ce qu'après une heure, ben, on se salue et puis ciao. Hein, et alors que ben, je suis resté tout l'après-midi. Et puis non seulement ça, mais il m'a accompagné à Tchéran, avec en voiture. Son fils, il avait une bagnole et son fils nous a conduit. Je crois qu'en plus, on peut peut-être profiter justement de parler de ça, du temps. C'est-à-dire que quand on rencontre, quand on va dans les communautés, qu'on rencontre les gens qui donc sont pas seulement paysans, mais je pense qu'ils ont ce petit plus. Parce que justement, ici, tu es quand même très vite pris quand même dans le temps et l'accélération. Alors que là-bas, c'est comme s'il n'y avait pas de temps que celui du soleil et des oiseaux et du maïs et de là, l'eau le temps qui coule. Pas, tu vois, l'après-midi, donc on est allé à Tchéran. Il m'a montré différentes installations, on a rencontré différentes personnes. On est allé chez un de ses amis, enfin, qui est un leader un peu de la communauté, Salvador. Il est resté là. Enfin, on a passé une partie de la soirée là. Et puis, après, il m'a raccompagné. Parce que moi, j'avais un bus que je pouvais prendre le soir, un bus de nuit, pour rentrer sur LDFE, sur Mexico. Et donc, il m'a raccompagné à Paracho. De toute façon, c'était la route, hein, pour aller à Nourio, pour rentrer chez lui. Et là, il me dit, oui, mais regarde, c'est que le bus, il part à 11h. C'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je lui dis, ben, vous rentrez chez vous, mais peut-être, on peut peut-être manger quelque chose, là, si je peux vous inviter, on peut manger quelque chose à Paracho. Là, il me regarde, il me dit, oh, tu sais, il n'y a rien le soir. Et de fait, c'était mort. Et je crois que ça, c'est dû un peu au climat actuel d'insécurité, avec pas mal d'enlèvements. C'est un coin quand même la nuit, bah, c'est devenu insécure, quoi. Et donc, il n'a pas voulu me laisser seul. Il m'a mené à la station, où il y avait un employé. Il a dit à l'employé, bon, tu prends soin de lui. Et bon, finalement, bon, vers 9h, il m'a quitté pour rentrer chez lui. Mais Le bus partait à 11h. Et bien, 10 minutes avant, il me téléphonait, parce que j'avais mon téléphone, pour être sûr que le bus était bien là. Je lui ai dit, pas de problème, le bus est bien là, tranquille. Il m'a rappelé le lendemain matin pour être sûr que j'étais bien arrivé à Mexico. Bah, c'est des gens attentionnés, donc, une personne... Très, très attentionné, mais ça indique aussi une certaine inquiétude due à ce climat, à ce climat d'insécurité. Ce qui était intéressant avec Don Juan, c'était justement effectivement ce caractère humble qu'il avait, oui. Alors que c'était une personne hautement politique. Oui. Je veux dire, c'est quelqu'un comme tu l'as dit, qui avait fait des études pour être enseignant et qui avait décidé de retourner. Il y a eu beaucoup d'offres de la part des politiques et des gouverneurs. Et comme tout paysan pauvre au Mexique, il avait tenté aussi l'aventure de l'autre côté de la frontière. Il l'avait fait deux fois du côté états-unien, quoi. Donc où il avait rencontré justement des gens avec qui il avait pu discuter de politique, et déjà il avait continué justement son engagement. C'était quelqu'un qui était assez impressionnant parce qu'il était ouvert à tout. Et c'était quelqu'un qui pouvait s'intéresser lorsqu'il est venu en 2008 avec des personnes qui avaient des projets alternatifs, etc. Il était très curieux de ce que les gens faisaient pour construire justement leur autonomie. Tout à l'heure, on parlait de l'autonomie par rapport aux coopératives, mais il était très intéressé de toutes ces micro-initiatives, etc. Alors que même des fois, quand le programme avait été fait, on disait « Est-ce que ça va l'intéresser ?» etc. Ben non, il passait des heures, comme tu le disais, à vouloir comprendre, à vouloir partager, etc. Et c'était quelqu'un qui pouvait être à l'aise justement dans ces micros, avec des gens qui vivent alternativement et qui construisent autre chose. Mais il était à l'aise aussi quand il devait intervenir aux Nations Unies, ce qu'il avait fait plusieurs fois sur les droits des populations autochtones. Donc c'était quelqu'un, et vraiment pour revenir et rebondir sur ce que, disais, c'était moi ce que j'appréciais beaucoup, c'est malgré les offres, malgré... Il aurait pu être rentrer en politique, etc. Non, il rentrait toujours dans sa communauté, dans son champ, etc. Et il a fait ça toute sa vie. Même, il a été conseiller de l'EZLN. Enfin, il a dû être approché quand même par pas mal de gens. Et donc, ce qu'on retiendra de Don Juan, c'est justement sa force et puis et justement c'est ce côté humble une grande figure d'humanité, je trouve. C'est vraiment une personne très riche en humanité. Enfin... Et juste si on veut finir sur une petite anecdote, il était venu donc en 2008 intervenir. Il était intervenu à la journée de solidarité avec les peuples indiens des Amériques autour du 12 octobre. Et il était sur une table ronde où il y avait des représentants qui venaient donc des États-Unis, de Guyane française, de Mapuche, etc. Et notamment, il avait été très impressionné par la jeune Navarro qui travaillait sur la protection de l'eau et contre les multinationales dans son pays, et la jeune Mapuche. Et il m'avait dit qu'il avait été très heureux de rencontrer des jeunes femmes qui était quand même différente de lui, et notamment avec la Navarro, il pouvait pas. Il communiquait un peu en anglais, mais c'était pas ce qu'il avait voulu faire. Mais il avait été très impressionné que ce soit des jeunes filles et très jeunes qui portent la suite du combat. Et ça, c'était quelque chose qui l'avait vraiment touché. Je voudrais ajouter deux choses. On est toujours sur 106.3 FPP, on fait une petite pause musicale. D'accord. Et puis on continue à parler, on a encore le temps. À tout de suite, musique. Caídos que hoy floreciendo están. entregaron su vida por ver esa patria libre. Siempre la recordaremos, que la regaron su sangre por ver esa patria nueva. Nosotros los campesinos siempre la recordaremos, que la regaron su sangre por ver esa patria nueva. Que viva héroes y mártires caídos en el combate, nos entregaron su vida por ver esa patria libre. Héroes y mártires caídos en el combate, nos entregaron su vida por ver esa patria libre. FPP, Fréquence Paris Pluriel, l'émission mensuelle du troisième lundi du mois du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc on est avec Sylvain et André. Donc on vous rappelle donc qu'on profite de parler d'un certain nombre de sujets et de vous présenter donc en même temps la journée du 24 juin qui est organisée au 21 Terre rue Voltaire à partir de 14h. Et donc, avec des projections, 14h, un film sur les coopératives de café. Puis à 15h, donc, on en parlait, de Caminantes, un film qui nous permet de rendre hommage à Juan Chavez, donc justement une figure de la lutte pour l'autonomie des peuples, des communautés indigènes au Mexique et ailleurs, justement, à l'occasion des rencontres. Et donc, André, nous, qui était la dernière personne à l'avoir vu, voulais encore nous dire trois petites choses. Deux. Ah, j'ai cru qu'il y en avait une troisième, finalement. Oui, une chose, c'est d'une part insister sur la part active qu'il a pris dans les négociations qui ont débouché sur les accords de San Andrés en 96. Et d'autre part, la place importante qu'il a eue aussi lors de la marche de la couleur de la terre, qui s'est déroulé jusqu'à Mexico et qui s'est terminé par les interventions au Congrès, donc devant les parlementaires, et où il a pris la parole en tant que délégué du représentant du CNI. Et donc c'était pour dire quoi, c'était pas quelqu'un de banal. Enfin, il avait une personnalité vraiment forte, mais sous des aspects et tout en étant très très modeste. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est je voudrais exprimer quelque chose qu'il m'a partagé et qui indique sa sensibilité. C'est il se sentait fatigué. Il me dit, bon, j'ai été un peu déprimé. Et j'ai senti qu'il avait une souffrance. Une souffrance qui venait et qui venait d'une certaine blessure qu'il avait en lui, venant de, sans doute d'attentes qu'il avait, qui n'avaient pas été satisfaites de la part de certains de ses amis politiques. Je ne peux pas en dire plus, j'en sais pas plus, j'ai senti ça, qu'il y avait une souffrance. Je veux dire, c'était vraiment un homme, quelqu'un de vulnérable aussi, quoi. C'était pas un grand cador, c'était quelqu'un de vulnérable, sensible et très fraternel. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui veulent justement voir un peu ce personnage, à 15h le samedi 24, dimanche 24 juin, donc au CICP. Et justement, donc on a projeté on va projeter Camino Antes, donc en espagnol, je le disais. On n'a pas pu faire de traduction avant, sachant qu'au départ, justement, c'était un autre film, qui est un autre documentaire qui était prévu, donc je voudrais vous en parler. C'est La Palabra del Agua, qui est un documentaire de Ulises Chavez Pacheco et de Victor Guzmán Cuevas, qui est un film qui a déjà quelques années, puisqu'il a été tourné donc, en 2008. Et lui aussi, donc, on fait beaucoup de rebonds, il y a des liens comme ça, c'est-à-dire que le CNI, donc le Congrès national indigène formé en 1996, avait plusieurs demandes. Et quand on parle du droit à s'autogouverner ou s'auto-administrer ou de gérer les ressources du sol et du sous-sol, il y a aussi une revendication très concrète qui était sur l'exigence de céder les radios communautaires qui étaient gérées par l'INI, l'Institut national indigène, de les transférer donc au contrôle du CNI et donc en l'occurrence des communautés en question. Donc ça a été une des revendications, et sachant que donc ces lois, puisque on en a parlé, elles ont été il y a eu des accords signés en 96, une marche en 2001, finalement rien n'a pu être concluant puisque la loi qui a été votée vidait de tout son corps les accords en tant que tel. Donc, du coup, la décision justement très concrète de l'autonomie, même si elle était déjà sous-jacente dans les communautés zapatistes, ça a été vraiment de créer donc les municipios autonomes, c'est-à-dire que là, du coup, ça devenait formellement institué, c'était visible, il y avait des cartes. Ça se posait justement au découpage officiel. Et dans d'autres régions, donc pas seulement dans les zones zapatistes, il y a eu plein d'initiatives, dont justement Juan Chavez, membre du CNI, a soutenu des initiatives d'autonomie ont été soutenues, et donc notamment dans cette communauté qui est en réalité, c'est plus qu'une communauté, c'est une petite ville, Xochitlahuaca, dans le Guerrero, qui est une zone qui est en lutte, où il y a beaucoup de communautés qui ont des projets autonome. Et donc dans cette ville de Xochitlahuaca, il y a une région, une radio communautaire. Et donc ce petit film retrace l'histoire de cette radio, la répression, son expulsion, sachant qu'effectivement, au Mexique, pour le moins, les radios communautaires sont réellement l'outil de communautés déjà organisées. C'est-à-dire qu'il y a déjà un processus au départ d'organisation et d'autonomie et de volonté d'autogestion. Et donc l'emprise sur un certain nombre d'outils dont la radio fait partie de façon assez courante au Mexique. Et donc ce film retrace un peu l'histoire de cette radio. Évidemment, ça s'arrête en 2008, donc c'est relativement vieux maintenant puisqu'il se passe encore toujours plein de choses, mais la radio est toujours en lutte et en résistance. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir rappeler que Radio Nomda est en résistance et toujours là. Donc il y a le livre qui accompagne en fait le CD qui a été lui justement fait pour, un, bah, pour nous plutôt, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas vraiment le monde des communautés, de l'autonomie zapatiste et pas seulement, et justement tout cet engagement des communautés sur des projets de communication indépendante, c'est-à-dire de la même façon que les zapatistes, eux aussi, ont développé des projets pour former des vidéastes dans les communautés. Il y a aussi des radios communautaires zapatistes, et notamment donc Radio Insurgentes, qui, elle aussi, diffuse sur les ondes. Donc, je voulais vous parler donc, de La Palabra del Agua, qui est un petit livret avec le film à disposition. Et donc, évidemment, c'est écrit en français, et ça a été réalisé en fait par Anna Toiti, qui donc elle-même est allée dans la région pour s'entretenir avec les gens de la communauté, pour un peu parler justement de ce projet, d'où vient cette radio, ce que ça signifie. Quand on parle d'autonomie, on parle de quoi? Et en général, au Mexique, pas forcément au Mexique d'ailleurs, enfin bref, il faut parler d'autonomie au pluriel, justement, parce que c'est des processus qui à chaque fois sont propres et singuliers, justement, aux peuples, aux régions, aux contextes, et aux initiatives, aux solidarités, aux rencontres, etc. Et il y a également dans ce livre un entretien avec Gloria Munoz, qui est donc quelqu'un que l'on a rencontré ici plusieurs fois et qui a écrit un livre, puisqu'elle a passé beaucoup d'années dans les communautés, qui s'appelait La Palabra y el Fuego, 20 ideas, qui était justement à l'occasion des 10 ans des zapatistes. Donc il y a un entretien avec elle dans ce petit livret. Donc voilà, c'est pour les personnes qui voudraient aborder la question des radios communautaires au Mexique et avoir une vision un petit peu plus précise. Voilà, on vous invite à venir se voir, pas voir le film, enfin voir en tous les cas ce petit livret, éventuellement de se le procurer. On aura l'occasion, j'espère, prochainement l'occasion de projeter ce film, puisque il est là, on va pouvoir se le procurer facilement. Et on peut souligner l'importance de cette radio, de Radio Namda, puisque ça a été vraiment un effort communautaire pour la créer, pour la faire vivre et pour la défendre, puisque je tiens à souligner qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont été incarcérées pour faire vivre cette radio communautaire et pour l'avoir défendue. Donc effectivement, même la chose la plus anodine, c'est-à-dire parler dans sa langue en radio pour sa communauté, est un crime et peut devenir un crime qui amène des années de prison. Donc voilà. Donc c'est important de suivre cette liberté d'expression qui est défendue bec et ongles par les communautés et par les mouvements sociaux au Mexique et ailleurs. Donc voilà, donc ça, on ne va pas le projeter le dimanche 24, mais vous pouvez vous le procurer donc ce même dimanche, puisqu'on aura donc, on l'a dit, une table de presse et également de l'artisanat et donc des vêtements ou bien des objets en cuir type sac, porte-monnaie fait par les zapatistes. Et puisqu'ils ont maintenant des nouveaux modèles, ils avaient commencé avec des chaussures de foot, puis des chaussures montantes, puis ils sont mis à faire des sacs, des ceintures, etc. Donc ça, c'est à disposition le dimanche en vente, et également de l'artisanat type housse de coussin, ou bien encore des chemises pour enfants ou pour adultes. Et donc il y a une partie de l'artisanat qui justement est le fruit d'un travail produit en coopérative, fait par, au sein de, c'est des artisanes qui sont organisés en coopératives, donc dans une certaine zone. Et puis il y a un autre artisanat qui vient d'une autre région, où là les femmes, et j'en ai déjà parlé, ne sont pas organisées en coopérative, puisqu'elles refusent de s'instituer en coopérative et de s'enregistrer au niveau du gouvernement, puisque effectivement, par les coopératives, il y a la limite, si on peut dire, la limite des coopératives de café. Elles ont trouvé leurs acheteurs. Elles pourraient bien se passer des États et des douanes, etc. Malheureusement, pour transporter les quantités de café, il n'y a pas moyen de sortir la marchandise sans passer à travers les réseaux légaux, évidemment, enfin traditionnels, institutionnels, ce qui coûte beaucoup d'argent. Mais c'est comme ça. Et donc, du coup, ces femmes, les femmes de ces coopératives ont, elles, décidé de ne pas rentrer dans le système du tout, sachant qu'en réalité, en plus, elles sont toutes dans des villages relativement isolés et que ça n'aurait pas tellement de sens pour elles d'avoir une boutique, contrairement aux artisanes qui ont des coopératives, qui, elles, sont à proximité d'une grande ville dans laquelle elles peuvent avoir une petite boutique. Donc, je vous invite à vous procurer éventuellement cet artisanat si vous avez des cadeaux à faire, pour donc avoir la possibilité d'aider ces femmes qui, elles, ne décident pas d'être artisanes, ne deviennent pas artisanes, mais par contre ont plein de projets à développer, comme certaines acheter un moulin électrique de manière à papiller chacune dans son coin depuis 4 heures du mat, mais être ensemble dans une salle du village pour piler ensemble. D'autres qui ont acheté du bétail de manière à ce que le cheptel ne soit pas seulement... le fruit des hommes, donc de manière un petit peu justement à diversifier leurs activités et et de grandir aussi leurs espaces d'action à elles en tant que femmes. Donc il y a un travail d'émancipation dans les communautés. Donc justement, on parlait de Juan Chavez qui pouvait être content, surpris et satisfait de voir des jeunes amérindiennes venir représenter la lutte de leur communauté. Il y a en tous les cas un processus dans les communautés zapatistes très fort d'émancipation, je sais pas, bon, c'est peut-être pas le bon mot, mais enfin d'une libération ou d'une, bon voilà, un processus là en route dans les communautés. Donc si vous voulez soutenir les femmes, pensez à venir aussi, il y en a pour tout le monde dimanche. On fait une petite pause musicale et on finit avec les deux autres films qu'on projette jettera. Donc à 16h, ce sera du braquage au violon, puis Comme un guerrier à 18h30 sur Léonard Peltier Musique. Lines of the war inside their heads. They sleep caged against their fear. They try not to become what they've endured. Wearing their souls on the thread. The moment of silence is over. Justify why your freedom manifests on their graves, and the blood never comes clean from the guilty minds, nor the hands that hold the chains. In a rhythm of resistance, we still fight for our lives. In this war that never against our fears. Try not to become what we've endured. Wearing our souls on a thread. The moment of silence is over. Up is the history of the American dream. From the long walk, the trail of tears to wounded knees. No compromise, no compromise. A rhythm of resistance they could never silence. Let our actions speak. We may ignore our words. For all the lies, there's a truth. There's a truth. 106.3 FPP, les jungles des luttes, l'émission mensuelle du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On vous invite toujours et encore dimanche 24 à cette journée où il y aura donc des projections de films. Donc au niveau du programme, voilà, on a dit 14h le film sur les coopératives zapatistes, 15h Caminantes sur la marche des couleurs de la terre et son arrivée à Norio avec le village de Juan Chavez, cette personne, ce personnage parti il y a 2 semaines maintenant. Et à 16h, donc, un film qui s'appelle Musica después de un asalto, et donc dit du, traduit du braquage au violon, qui est un film de Juan et Samuel Guzmán. Qui sont, donc, c'est un film qui a été fait sur, dans 5 prisons au Mexique, dont une prison de femmes. Et c'est un film documentaire qui s'étend sur plus d'un an. Et donc, ils ont eu l'occasion de suivre donc, des groupes de prisonniers qui vivent la prison à travers la musique, ou en tous les cas, eux, en tant que réalisateurs, enfin, ils ont pris cette entrée pour rentrer dans les prisons. La musique, ça a été un bon moyen de pouvoir justement venir et de voir et de vivre et de filmer donc ce qui se passe ou ce que c'est une prison au Mexique. L'idée étant pas justement de décrire les prisons, mais on ne peut pas ne pas voir ce qu'est une prison mexicaine. Et donc évidemment, pour des personnes vivant en France, la vision de cette prison au Mexique peut être un peu déroutante, puisque effectivement, on les voit toute la journée, hein, en permanence, pouvant circuler dans la prison, sachant que les cellules en fait sont telles qu'on ne peut pas rester dans les cellules, c'est vraiment uniquement des couchettes pour dormir, type wagon-lit. Et donc, effectivement, dès que c'est l'heure du réveil, tout le monde sort. Et donc là, tout le monde a plein d'activités. Et donc, justement, certains, grâce à la musique, tiennent, et en même temps tiennent psychologiquement, affectivement, financièrement. Il y a tout un monde qui, voilà, tout un monde à appréhender. Donc, ce film-là, qui dure 85 minutes, sera donc projeté à 16h, au 21 Terre Rue Voltaire, CICP. Et donc ensuite il y aura à 18h30 le film Comme un guerrier, mais là je vais laisser Sylvain le présenter. Alors Comme un guerrier, en fait c'est un tout petit film qui est en fait l'amorce d'un projet pour un film plus long. C'est un film qui en fait parle de témoignages de la lutte pour la libération de Lenin Peltier. Alors Lenin Peltier, c'est un prisonnier politique amérindien qui est dans sa 37e année de prison, alors que le gouvernement américain reconnaît qu'il ne peut pas prouver qui est coupable du meurtre de 2 agents du FBI. Donc tous ces événements se sont faits au moment d'une grande violence politique sur cette réserve. Lenin Peltier est un militant de l'American Indian Movement, mouvement indien américain. C'est un mouvement qui s'était créé dans les années 70, s'inspirant un petit peu des méthodes des Black Panthers, et qui était un mouvement qui se revendiquait des droits des peuples autochtones et défendre déjà l'autonomie et puis l'autodétermination des peuples. Donc, et bien sûr, puisqu'ils vivent aux États-Unis, ce qu'ils ont eu en face, c'est le FBI et son programme de contre-espionnage interne qui s'appelait le Contelpro, qui avait été utilisé sur tous les mouvements de gauche et mouvements sociaux et mouvements des droits civiques, etc. On ne va pas faire toute une liste, mais ça a été, c'était leur outil de destruction de toute contestation aux États-Unis. Et Lenin Peltier est une des dernières victimes de ce programme, puisqu'après il a été jugé illégal par le Sénat américain, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais donc Lenin Peltier continue à être en prison, donc il a 68 ans, passé 37 ans d'années en prison, il continue à lutter. Il est devenu un peu un symbole de cette résistance des peuples indiens. Et notamment quand il y a eu la rencontre de Vikam, le cas de Lenin Peltier avait été présenté. Le commandant Marcos et le comité clandestin révolutionnaire indigène qui, commandement général de l'EZN, a fait plusieurs fois des messages de soutien à Alain Pelletier. Comme le 26 juin, marque en fait cette fusillade, le jour de cette fusillade sur la communauté d'Oglala, tous les ans, dans cette communauté, il y a des célébrations pour se souvenir de Léonard, mais aussi des 60 militants et traditionnalistes Lakota, Sioux Lakota, qui ont trouvé la mort dans cette guerre secrète, enfin cette guerre non reconnue qu'il y a eu dans les années 70. Il y a eu des calculs qui font état que sur cette toute petite réserve, le taux de mortalité était pire que si on le remet en situation avec le nombre de personnes dans la population, le nombre de meurtres politiques entre 73 et 76 dépassait celui du Chili de Pinochet. Donc, ça montre très bien un peu ce qui s'est passé sur cette réserve. Léonard, lui, continue derrière les barreaux à lutter. Et des gens continuent à l'extérieur pour que son nom ne soit pas oublié et pour obtenir sa juste libération. Puisque maintenant, il est même arrière-grand-père. Et je crois qu'il n'est plus un danger. Même s'il a été considéré comme un danger un jour par le gouvernement américain, maintenant, il est temps qu'il soit libéré. En fait, deux agents du FBI sont morts ce 26 juin 1975 sur la réserve. Le FBI sait que Léonard Pelletier, ce n'est pas lui, mais c'était le dirigeant, donc c'est lui qui doit payer pour cela. Donc le 26 juin, dans la communauté d'Oglala, il y aura des célébrations, et donc dans le monde entier, il y aura des différentes initiatives. Et comme il y avait la journée de solidarité avec les coopératives zapatistes, et aussi la venue en Europe d'un groupe de musique de jeunes Navarro qui soutiennent Léonard Pelletier, puisqu'ils sont, même si eux font partie de cette jeunesse, de ce renouveau de la jeunesse autochtone qui utilise le punk rock, le rap, etc., quoi, pour exprimer leur message. C'est justement le dernier morceau qu'on a écouté, c'était... Voilà, c'était et puis il y en avait un autre. Avant. Voilà, c'est ça. Et donc, comme ils étaient en Europe, on a trouvé intéressant aussi, pour fêter les 10 ans du café, ces jeunes Navarros font référence aussi dans leurs textes au mouvement zapatiste. Donc c'était tout logique de faire quelque chose pour Léonard Pelletier ce jour-là et pour qu'il ne soit pas oublié. Donc c'est le groupe Siassine qui va venir jouer à partir de 20h30. 5 euros l'entrée qui sera complètement reversée pour la défense légale de Léonard Pelletier. Siassine, normalement leur groupe s'appelle Blackfire. Ce que vous avez entendu, c'est le groupe qui est Blackfire. Par contre, ils n'ont pas pu venir avec Blackfire parce que le chanteur-guitariste qui s'appelle Clee Ben Ali a dû rester aux États-Unis parce qu'il vient de passer en procès parce qu'eux luttent contre la désacralisation d'une de leurs montagnes sacrées pour les Navarros, et la ville de Flagstaff a décidé, dans un désert sur cette montagne, de faire une piste de ski. Et ils vont faire une piste de ski en utilisant les eaux usées de la ville. Et bien sûr, les communautés autochtones pour lesquelles ce lieu est un lieu de en tout cas une grande symbolique historique et spirituelle dans leur tradition. C'est un endroit où aussi ils récoltent les plantes médicinales, etc. Mais se sont mobilisés et Clee s'était enchaîné à des bulldozers, etc. Et donc là, il est passé, il devait rester aux États-Unis, il est passé en procès, il vient d'être jugé, le juge vient de rendre son jugement, donc il est coupable de violation de propriété, alors que, bien sûr, c'est sur la terre des Navarros, et de trouble à l'ordre public. Et donc le 28 juin, il y aura le juge donnera la peine, donc on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner pour l'autre musicien qui malheureusement ne pourra pas être des nôtres. Mais voilà, mais son frère et sa sœur, ainsi que son père, ont monté un projet Siassine pour pouvoir tourner malgré ce problème judiciaire. Parce qu'ils pensaient que c'était vraiment important de venir en Europe une nouvelle fois, pour à la fois avec leur musique, parler diffuser. De qui ils sont et puis diffuser leur lutte. Voilà. Donc, c'était, pour nous, c'était une grande opportunité de les avoir donc ce dimanche 24 juin à 20h30 au CICP 21 Terre rue Voltaire. Voilà, donc du coup, vous avez toutes les informations. On a peut-être un petit problème de site, nous, au niveau du CSPCL. Normalement, c'est cspcl.ouvaton.org. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne très bien. Alors, je vais vous répéter vite fait le programme. C'est donc 14h, projection du film sur les coopératives Zapatistes de café. Ensuite, 15h, Caminantes sur la marche des couleurs de la terre au Mexique en 2001. 16h, du braquage au violon sur. Donc voilà, on suit les sept prisonniers à travers leur aventure musicale au sein des prisons. Ensuite, 18h30, comme un guerrier. Donc. Sur des témoignages autour de la lutte de Léonard Pelletier. Et donc, entre-temps, on repassera quand même le petit film sur la coopérative Zapatiste pour ceux qui ne l'auraient pas vu en début de journée. Et on aura également donc présent, évidemment, avec nous, comme toujours, le CSIA Nita Sinan. C'est d'ailleurs grâce à eux que ce concert est organisé en solidarité avec Léonard Pelletier. Il y aura également Atanka, une coopérative de consommateurs et producteurs de céréales militants qui propose des produits, vous avez déjà peut-être eu l'occasion de les trouver, donc des produits type miel, pain d'épices bio, des farines, des terrines, etc. Entre ici et là-bas, l'huile d'olive et savon à l'huile d'olive de Palestine, vous les connaissez peut-être aussi. Et Les Trois Passants, un collectif qui lutte activement pour la libération des prisonniers politiques de l'autre campagne. Et la MILPA, l'artisanat des coopératives zapatistes. Non, oui, justement, je voulais rebondir sur. Non, il y aura effectivement Les Trois Passants, et c'est vrai que si on parle du cas de Léonard Pelletier, bien sûr, on parlera du cas des prisonniers de l'autre campagne, notamment le cas du professeur Pachitane, je crois qu'on a parlé déjà sur les ondes de FPP. Mais voilà, tout ça, ça fait partie un peu du même fil conducteur de la répression. Dès que quelqu'un veut faire changer les choses socialement ou pour le droit de leur communauté, c'est souvent la répression qui arrive, et notamment la prison. Et donc, c'est important que ces personnes ne soient pas juste des gens qui sont derrière les barreaux, mais qu'il faut se souvenir que ce sont nos amis, nos combattants et nos camarades qui sont là. Et donc, bien sûr, on fera un lien entre Léonard Pelletier et puis les prisonniers de l'autre campagne, et puis, bien sûr, contre tout type d'enfermement et tout type de prison. Et justement, mardi, c'est une journée d'action, non, également, ou précisément au niveau des... Non ? Non ? Si ? On n'avait pas dit qu'on... Non, on avait dit que... Hop, toi ! Donc, c'est une journée d'action internationale et internationale, mardi... C'est 19, c'est ça ? C'est demain, c'est ça. Donc, c'est demain, donc voilà, parce qu'on parle des prisonniers, donc... La détention facile. Donc, il s'agit donc d'être aux aguets. Donc, demain, c'est une journée internationale pour les prisonniers politiques de l'autre campagne au Mexique. Donc, pour ceux qui veulent y penser ou faire des actions. Et donc, on vous attend tous. Et pour avoir les dernières informations, vous pouvez aller sur le site de Libérons-les. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous trouverez facilement donc le site qui fait état de toutes les campagnes en cours pour les prisonniers de l'autre campagne. Donc voilà, on vous donne rendez-vous dimanche 24 juin au 21 Terre rue Voltaire, dans le 11e à Paris. On vous remercie de nous avoir écoutés. On va se retrouver au mois de juillet, donc pour le 3e lundi. Merci à Magali et à FPP pour nous accueillir, et à tout bientôt. Musique.